L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Ah, l'agriculture. On en parle beaucoup dans les médias. Pourtant, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent faire dans la vie, on entend rarement dire « je veux être agriculteur ». Vous ne trouvez pas ? Dans cette nouvelle émission d'Agro J'écoute, Eulalie, Héloïse et moi-même, Noémie, allons vous parler de l'installation agricole, c'est-à-dire devenir agriculteur et en faire son métier. Bonjour ! Bonjour Noémie, je suis ravie de parler d'agriculture avec vous aujourd'hui et je me demande pourquoi tu dis « je veux devenir agriculteur », c'est rare de l'entendre. Bien, parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens veulent faire ce métier. Il n'y a plus que 400 000 agriculteurs en France, ça veut dire que seulement un travailleur sur 100 exerce ce métier. Le nombre d'agriculteurs n'a cessé de décliner depuis des années. En 1982, les agriculteurs étaient 1,6 million et représentaient encore 7% de la population active. Ça veut dire qu'on perd en moyenne 1,5% d'agriculteurs par an. Mais jusqu'où va-t-on aller ? Est-ce qu'on va aller jusqu'à la disparition de ce métier pourtant si indispensable ? Ce métier qui produit pourtant les matières premières et la nourriture dont nous avons besoin tous les jours ? Tu sais, c'est pas pour rien que ma grand-mère dit souvent « Dans votre vie, vous aurez besoin au moins une fois d'un médecin, d'un avocat, d'un notaire, mais tous les jours, trois fois par jour, vous aurez besoin d'un agriculteur. » C'est vrai que sans les agriculteurs français, nous devenons de plus en plus dépendants des autres pays pour nous nourrir. Et oui, c'est vrai, sauf qu'en vrai, on s'aperçoit vite que produire une nourriture diversifiée en quantité suffisante au sein même de notre territoire, c'est super important pour contribuer à notre souveraineté alimentaire. C'est la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait naître une grande prise de conscience par rapport à ça. C'est vrai que pendant le confinement, on s'est vite rendu compte des limites de la mondialisation, cette interdépendance entre les différentes régions du monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, on a vécu des pénuries dans notre supermarché. Par exemple, il manquait de la farine sur les étalages. Car ce qui s'est passé, c'est que les principaux pays exportateurs de farine se sont retrouvés d'une part privés de main-d'œuvre agricole, donc ils ont pu produire moins que d'habitude, et de l'autre, ils ont gardé leur stock à l'intérieur de leur pays. Et nous, à force de réduire le nombre d'agriculteurs français, on en est réduit aujourd'hui à importer 20% de notre alimentation globale. Pour les fruits et légumes, c'est carrément un fruit sur deux consommé qui n'est pas produit en France. Et on se rend bien compte, lors des crises internationales, que cette dépendance aux autres pays pour nous nourrir, c'est quand même une vraie problématique. Voilà, exactement. Les gens ils se sont rendu compte qu'il fallait relocaliser l'agriculture. Donc en achetant directement aux producteurs français, ce qu'on appelle en achetant dans des circuits courts. Mais pour que ce système fonctionne, il faut suffisamment d'agriculteurs. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui de se préoccuper du déclin du nombre de paysans. Écoutez cet extrait d'un reportage d'Envoyé spécial intitulé « La fin des paysans » qui date de 1991. Pierre Bonte, ça fait des années que vous côtoyez les paysans, vous les connaissez bien. Oh oui. Et leur situation ne vous a pas laissé indifférent hein, aujourd'hui. Non, ça fait 30 ans, je peux dire, que je vis avec eux, que j'ai appris à les connaître et à les aimer, à les admirer aussi. Parce que croyez-moi, il en faut du courage hein, pour s'accrocher à ces coins de terre d'Auvergne, du centre Auvergne ou du centre Bretagne. Et je crois que si on les laisse mourir, disparaître, c'est un petit morceau de la France qu'on aime tous, qui va partir avec eux, et que dans 10 ou 20 ans, on se dira qu'on a fait une grosse bêtise, mais il sera trop tard. Je vous remercie, Pierre Bonte. Et oui, comme vous l'entendez, dans cette archive de l'INA, la sonnette d'alarme était déjà tirée il y a 30 ans. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs en France, Noémie ? Bah, d'abord, il faut savoir que la proportion d'agriculteurs a baissé dans toutes les régions du monde. On est passé de 35 à 4% dans les pays développés entre 1950 et 2010 et de 81 à 48% dans les pays en développement sur la même période. Et en fait, ce qui s'est passé en France, c'est qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le pays il est totalement détruit et on a besoin à la fois de nourrir la population, mais on a aussi besoin de main-d'œuvre dans les industries. Du coup, les politiques de l'époque encouragent la mécanisation et l'agrandissement des exploitations via des subventions importantes. Exactement, et puis parmi ces aides, les travailleurs agricoles, ils ont carrément perçu des indemnités de départ qui les incitaient à quitter le métier et les campagnes. C'est alors l'exode rural qui s'enclenche. Ce phénomène a contribué non seulement à réduire le nombre d'agriculteurs, mais aussi à exclure les femmes du travail agricole modernisé. En effet, la mécanisation, qui a permis de compenser les départs de main-d'œuvre, se fait avec des machines, qui ont permis d'accroître la productivité du travail. Par exemple, autrefois, la moisson se faisait collectivement et en famille, à la main, et désormais, elle se fait avec une moissonneuse-batteuse conduite par un seul agriculteur. Et voilà, à cause de ce phénomène, les fermes, elles sont de moins en moins nombreuses. Mais elles deviennent de plus en plus grandes, avec une moyenne aujourd'hui d'environ 60 hectares de surface agricole utilisée, qu'on appelle aussi la SAU. Ça représente environ 60 terrains de rugby. Et ce chiffre, en 1988, il n'était que de 28 hectares. On assiste donc à une transformation du paysage et à une concentration croissante de l'activité agricole. Et est-ce que dans ce cas, certains types d'exploitation ont diminué plus que d'autres ou... Alors oui, Noémie, certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Le plus touché à l'heure actuelle, c'est l'élevage de vaches laitières, de porcs et de volailles. On compte chaque année 5% d'élevage de ce type en moins. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un éleveur de vaches laitières qui s'installe contre 4 éleveurs qui vont quitter ce métier. Du coup, moi, je me demande qui sont les personnes qui ont envie de s'installer aujourd'hui en agriculture. Qui sont-ils ? Alors, d'après l'AGREST, qui est en fait l'agence de statistiques agricoles, on trouve aujourd'hui 17 000... Enfin, en 2020, il y a 17 000 personnes qui se sont installées. Dans le passé, la plupart, c'était plutôt des enfants d'agriculteurs et reprenaient l'exploitation familiale en héritage. Mais aujourd'hui, il y a un tiers de ces nouveaux installés qui ne sont pas issus du monde agricole. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas en fait de famille qui travaille dans ce domaine. On les appelle les néo-ruraux. Et parmi toutes ces personnes qui s'installent, on retrouve un nouvel installé sur trois qui est une femme. L'installation, ça correspond maintenant beaucoup pour beaucoup, une étape de carrière, car ils reprennent pas de ferme directement après le bac ou les études. C'est ce qu'on peut voir avec l'âge moyen des femmes qui s'installent à 32 ans et celui des hommes à 29 ans. En ce qui concerne les types de production, les nouveaux chefs d'exploitation, ils reprennent principalement des fermes en grande culture, donc c'est les cultures de blé, maïs, soja, ou alors en polyculture élevage. Mais en fait, c'est logique parce que ce sont les types de fermes les plus répandus en France. Mais de plus en plus de gens, ils veulent faire des petites productions, donc comme le maraîchage, c'est-à-dire les fruits et légumes, ou alors l'élevage de petits ruminants comme les chèvres. Mais ça crée parfois des problèmes de reprise d'exploitation. Par exemple, une étude a été menée en Auvergne en 2016, et l'Auvergne qui est un territoire d'élevage plutôt, on en ressort de cette étude qu'il y a 55% des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en maraîchage ou en verger, mais en fait ça correspond à seulement 15% des exploitations à céder. Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces informations Eulalie. Du coup, l'installation ça va plus du tout de soi aujourd'hui en France, il faut l'admettre. Devenir agriculteur, c'est plus qu'un métier, c'est un choix de vie avec beaucoup d'avantages mais aussi des contraintes, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les agriculteurs et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en discuter avec Éloi Bélier, un camarade de notre promotion à l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est en pleine installation dans une ferme dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Éloi. Bonjour Noémie. Au cours de notre podcast, tu vas pouvoir nous donner ton ressenti par rapport aux différentes étapes de ton parcours d'installation. Est-ce que tu peux déjà présenter rapidement ton projet agricole aux auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr, alors comme tu l'as dit, c'est dans les Pyrénées-Orientales, entre mer et montagne. Moi, c'est plutôt le côté montagne, donc c'est un lieu magique. Donc je vais élever des bovins allaitants, donc ce qu'on appelle des vaches à viande dans le langage courant, et d'une race locale en voie de disparition, les Massanaises, qui sont une race issue de mon territoire. Donc il y en a très peu, et c'est pour ça qu'elles sont en voie de disparition. Donc c'est sur les Alberques, qui sont la chaîne transfrontalière avec l'Espagne. Et je vais faire donc des vaches à viande, mais aussi un gîte et du bois de chauffage. Et j'ai la particularité de vendre ma production en vente directe. Donc parlons d'abord des motivations pour devenir agriculteur. Donc Éloi, toi par exemple, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? C'est tout d'abord un coup de foudre. Moi, je n'étais pas du tout prédestiné à l'agriculture. Je ne suis pas issu du milieu agricole. Et j'ai fait un stage chez un ami agriculteur, Martin. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'élevage auquel je n'étais pas prédestiné. Bon, je vais raconter une anecdote, mais c'était un peu Heidi. Un soir, j'ai ramené les chèvres à l'étable. Et du coup, j'ai dû monter pendant 2 heures dans la montagne pour aller chercher le troupeau de chèvres. Et là, il y avait de la vue. J'avais mon troupeau de chèvres, j'avais mon bâton de berger pour les ramener à l'étable. J'ai couru dans la montagne. Bon, c'était magique. Donc, ça, d'abord, tout d'abord, un coup de foudre. mais c'est aussi un lien avec le vivant, et pour ça, plutôt attiré par l'élevage que par le maraîchage, par exemple, c'est qu'il y a ce lien avec le vivant qui est très, très impressionnant, très fort, et qui apprend tous les jours. Et enfin, le métier d'éleveur, moi, ça me plaît parce que c'est une diversité, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et aussi, on est autonome, c'est-à-dire on est son propre chef d'exploitation. Et moi, c'était un truc important pour moi. Je ne voulais pas travailler 35 heures la semaine pour un autre patron, pour pouvoir profiter de mon week-end. Moi, je voulais travailler pour moi, même si j'ai travaillé plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était important pour moi. Comme tu le dis, Éloi, être agriculteur, c'est être indépendant, c'est avoir des responsabilités et des journées qui sont toujours différentes. Exactement, et c'est aussi un métier qui permet une grande proximité avec le vivant. D'ailleurs, les agriculteurs, c'est eux qui préservent les paysages, l'environnement et la biodiversité. Ils vivent vraiment chaque jour dans un environnement qu'ils ont façonné. Ça peut être au fin fond de la campagne, au fin fond des Pyrénées-Orientales comme toi, Éloi, autant qu'en plein centre de Paris, dans une ferme urbaine. C'est ça aussi l'agriculture. C'est tellement diversifié, même au niveau des formes de production. Et certains font aussi partie de syndicats ou d'organisations pour partager leurs expériences, leurs outils, valoriser leur métier et le défendre et le faire évoluer. Et toi, Éloi, tu fais partie d'un collectif ? Oui, je fais partie d'un collectif, donc le collectif de promotion et de défense des races locales catalanes, dont fait partie la Massenaise, ma vache que je veux élever. Et donc c'est un collectif, moi c'était hyper important pour moi de faire partie d'un collectif, parce que le métier d'éleveur, surtout en montagne, on peut être un peu isolé, ça fait un peu peur de se retrouver tout seul. Et du coup, faire partie du collectif, ça permet de garder le lien, d'échanger avec les autres, et du coup voilà, de ne pas rester tout seul. Où que tu sois installé, n'importe le territoire, finalement les agriculteurs, c'est des acteurs de la vie et de l'économie de leur territoire. Donc pour ceux qui aiment le contact humain, on peut choisir d'être en vente directe, comme toi Éloi, et de discuter du métier avec les habitants lors des marchés, des jours de vente à la ferme. On peut aussi choisir d'ouvrir sa ferme aux visites d'école, par exemple. Et même un gros céréalier dans la Bosse, qui ne vend pas directement aux habitants, en fait, il a un impact sur le territoire très important, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, un agriculteur crée de l'emploi pour 7 personnes. C'est pas rien. Donc on comprend bien que l'impact de la disparition des agriculteurs sur l'économie globale n'est pas à négliger. Donc voilà, là on prêche entre convaincus, on voit plein d'avantages à devenir agriculteur et à maintenir un nombre de paysans conséquent. Mais dans ce cas-là, pourquoi ce métier décline encore alors ? Moins de personnes veulent s'installer qu'avant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans un grand nombre de cas, en fait, être agriculteur, c'est pas un métier très rémunérateur, malheureusement. Selon l'INSEE, les exploitants agricoles ont en moyenne enregistré un revenu net imposable de 1390 euros en 2017, mais là, avec d'énormes écarts selon les secteurs. Par exemple, un viticulteur gagne en moyenne 2800 euros par mois, tandis qu'un éleveur de brebis gagne en moyenne 620 euros par mois. Les agriculteurs s'endettent énormément pour obtenir des outils, des bâtiments et des terres pour être rentables. Et il y a le foncier aussi qui est de plus en plus cher. En 20 ans, la somme à mobiliser en moyenne pour acquérir une exploitation, elle est passée de 250 000 euros à 367 000 euros. C'est donc difficilement accessible pour les jeunes. Et en plus de ça, il faut quand même penser que les agriculteurs travaillent souvent sans compter les heures. Souvent depuis très tôt le matin jusqu'à tard le soir, et ils font partie des professions qui travaillent des fois week-end, jours fériés et vacances comprises. Donc forcément, ces conditions de travail difficiles ne donnent pas trop envie au premier abord. Non, c'est vrai, et il faut aussi prendre en compte le fait que les politiques publiques, elles sont souvent très strictes. Et la politique agricole commune, qu'on appelle la PAC, qui est censée assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, elle subit des réformes très fréquentes. Du coup, les agriculteurs, ils ont du mal à se projeter et à entreprendre. Parce qu'une décision agricole qui prenne une année, elle peut devenir une contrainte l'année suivante à cause d'une réforme. En bref, ils ont peu de marge de manœuvre et ils se sentent impuissants. Carrément. Et puis en plus de ça, il y a aussi la fracture sociale et l'isolement qui peut faire peur, comme tu disais, Éloi. En effet, les agriculteurs, on l'a vu, ils se retrouvent en minorité numérique dans la population. Et on constate de nombreux cas où la cohabitation n'est pas saine. Insultes, intrusions dans les élevages, dénigrement dans les médias et sur les réseaux sociaux, méfiance des voisins, dégradation de matériel. Pour un nouvel agriculteur, c'est un énorme enjeu qu'arriver à s'installer sur un territoire et avoir des bonnes relations avec les gens autour. Et peut-être que, Éloi, tu peux nous en parler un peu. Est-ce que toi, tu as rencontré des freins dans ton installation qui auraient pu te décourager ? Et comment est-ce que tu envisages de t'intégrer dans ton territoire ? Oui, alors effectivement, des freins à l'installation, il y en a eu, c'est pas tout rose de s'installer. Et je crois que le premier frein auquel je ne m'attendais pas du tout et qui a été le plus dur, c'était, ça a été les gens qui m'ont découragé, qui ne croyaient pas en mon projet. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça venait d'éleveurs eux-mêmes. Et ça, c'est dur parce que forcément, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas 100% sûr de ce qu'on fait, et du coup, on a besoin d'être conforté, on a besoin d'être poussé. Et quand il y a des gens qui sont là et qui nous disent que ce qu'on fait, c'est nul, que ça ne va pas marcher, bah, c'est très dur et c'est décourageant. Mmh. Ensuite, il y a un frein économique, ça, c'est sûr, vous en avez parlé un petit peu, c'est des gros investissements, c'est des gros emprunts pour avoir accès au foncier, et ça, c'est dur, et bah, c'est un frein économique. Et ensuite, une autre chose auquel je m'attendais moins, c'était des lourdeurs administratives. J'ai dû remplir beaucoup de formulaires, beaucoup de dossiers pour m'installer comme agriculteur, et c'est pas fini, et ça va être toute ma vie pour le suivi du troupeau et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas attendu et qui sont pas dans le rêve d'agriculteur quand on s'installe, quoi. Ouais, c'est de nombreuses contraintes, mais il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui parviennent à s'en sortir, heureusement, et toi aussi. Du coup, on a compris qu'il faut encourager les gens pour devenir agriculteurs et nourrir le pays. Mais est-ce que tout le monde peut devenir agriculteur? Comment faire pour le devenir? On continue de discuter de ça après une petite pause musicale en écoutant La Montagne, un titre de Jean Ferrat. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Nous sommes sur AgroJécoute, une émission sur l'installation agricole. Dans la première partie de l'émission, on a parlé sur le déclin des agriculteurs en France et sur les principaux freins et motivations à devenir agriculteur. Nous sommes avec notre invité Éloi, un camarade de notre école d'ingénieurs de Purpan qui s'est installé récemment dans une ferme dans les Pyrénées-Orientales. Et nous nous étions arrêtés sur un point important de notre émission, comment fait-on pour devenir agriculteur ? Pour rappel historique, autrefois, devenir agriculteur n'était pas une histoire de diplôme, mais plutôt une transmission familiale de terres et de savoir-faire. Et depuis le XXe siècle, c'est un métier qui s'est tellement complexifié, qu'il est devenu presque indispensable de se former, et surtout lorsqu'il n'y a pas d'agriculteur dans sa famille. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe plusieurs voies d'études agricoles. Il y a certains qui commencent dès le collège, puis le lycée, jusqu'à l'obtention d'un bac professionnel agricole. Ils peuvent ensuite continuer par un BTS agricole en 2 ans, ou encore une licence professionnelle agricole. Des études agricoles supérieures, telles qu'ingénieur à Grenoble, sont aussi envisageables. C'est ce que nous faisons avec Éloi, Héloïse et Noémie, tous autour de ce plateau. C'est en tout 175 000 personnes qui ont étudié dans l'enseignement agricole en 2019, soit à peu près 2 élèves sur 10 000. Suite à ces études, les étudiants pourront directement œuvrer en tant qu'agriculteurs. Et du coup, que faire si on veut s'installer mais qu'on n'a pas fait d'études dans ces domaines ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut devenir agriculteur sans forcément être passé par des études agricoles. Et on peut se former à n'importe quel moment de sa vie grâce à l'obtention d'un BPREA. C'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Faut quand même savoir que pour percevoir les aides de l'État à l'installation en agriculture, il est nécessaire d'avoir obtenu la capacité professionnelle agricole, qui est un niveau de qualification professionnelle qu'on obtient après les différentes études présentées tout à l'heure. Exactement, et nous on vous encourage vivement à avoir un petit peu les deux tableaux. On trouve que c'est enrichissant d'avoir d'un côté une formation scolaire pour avoir des éléments théoriques, mais de l'autre côté c'est indispensable d'avoir plein d'expérience en agriculture, si possible dans différentes fermes, voire dans différents pays comme nous avons eu la chance de le faire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais dans la pratique, comment fait-on pour s'installer ? Alors, il y a toute une série d'étapes à suivre. Je vous cache pas que c'est assez long. Mais de toute façon, c'est nécessaire de prendre le temps. On ne devient pas agriculteur du jour au lendemain. Donc, la première étape à ne pas négliger, c'est la phase de réflexion. Que l'on soit enfant d'agriculteur ou même qu'on soit tombé dedans par hasard, il faut du temps pour mûrir son projet. C'est très important de rêver à la ferme parfaite, de parler de son projet à ses amis, sa famille, de visiter d'autres fermes et parler avec d'autres agriculteurs. Et cette phase, elle peut prendre des années. Et ça peut être intéressant de s'inscrire à des formations gratuites dites de l'idée au projet et ou aux sessions collectives d'information proposées par les chambres d'agriculture, les ADEAR ou encore d'autres organismes qui accompagnent les agriculteurs. Et une fois que vous êtes suffisamment décidé à vous lancer dans l'aventure, le parcours administratif peut commencer. Alors oui, et ce parcours administratif, ça commence par aller au point accueil installation, le PAI, un dispositif qui est présent dans toutes les chambres d'agriculture, donc dans tous les départements de France. Et au PAI, chaque futur agriculteur est invité à faire un rendez-vous obligatoire d'une heure et demie. C'est un rendez-vous qui permet de faire un premier diagnostic de votre projet et de votre profil et de vous orienter. Donc j'imagine que tu l'as fait toi, Éloi. Oui, exactement. Voilà, et suite à ce PAI, j'imagine aussi qu'ils t'ont orienté vers le PPP, le plan de formation personnalisé. C'est un programme qui est également obligatoire et qui permet d'accompagner la création de l'entreprise agricole. Il est en cours, effectivement. Voilà, donc tu as dû réaliser un stage de 21 heures, j'imagine. Oui, je l'ai fait il y a 2 mois. Voilà, donc ça c'est les premières étapes à suivre pour se lancer dans l'installation agricole. Et justement, du coup, pour créer cette entreprise, il faut trouver le foncier, donc la terre qu'on va pouvoir utiliser pour le projet d'agriculture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Héloïse, s'il te plaît ? Alors oui, c'est important de parler du foncier parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Suivant les régions, le foncier agricole peut coûter très cher ou rester aux mains de propriétaires qui n'ont pas forcément envie de céder leur terrain à un nouvel arrivant. Il faut ainsi savoir que 40% des terres libérées par un départ vont aller agrandir les fermes voisines plutôt que d'installer un nouvel agriculteur. Attention, faut pas se décourager, c'est pas le but de l'émission. Et y a plein d'astuces pour trouver du foncier. Il y a des annonces disponibles sur le RDI, Répertoire Départ Installation, sur le site de la SAFER, propriétérurale.com. On peut aussi se faire aider par l'association Terre de Liens et puis passer par les annonces de la presse locale, le bouche à oreille. Et sur le foncier, j'aimerais juste rajouter le fait que c'est très important de clarifier ce qu'on veut comme terrain, notamment à quelle distance on va être des centres urbains, des services, des commerces, les besoins en eau pour notre production agricole et aussi quel paysage on a envie de voir tous les jours. Et voilà, au-delà de ça, il faut quand même être ouvert à visiter toutes sortes de lieux, même ceux qui ne vous plaisent pas au premier abord. Parce que n'oubliez pas, comme on disait en début d'émission, être agriculteur, c'est être son propre patron et c'est donc avoir la chance de pouvoir transformer les lieux selon ses convictions. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, toi, Éloi, comment est-ce que tu as choisi de t'installer dans les Pyrénées-Orientales ? Alors, les Pyrénées-Orientales, c'était vraiment une décision évidente pour moi. C'est là où j'ai grandi et je suis vraiment amoureux de mon pays. Et pour l'accès au foncier, moi, ça s'est passé. J'avais des critères assez précis de ce que je voulais. Vous parlez du paysage tout à l'heure. Moi, la vue, c'était hyper important pour moi. Ça faisait partie des critères. Et à force d'en parler autour de moi, il y a un agriculteur qui a vu une petite annonce sur un terrain qui correspondait exactement à ce que je voulais. Et du coup, j'ai franchi le pas et c'est parti. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les démarches auprès des banques et pour acheter ce foncier. Et j'aimerais du coup rajouter qu'en parallèle de trouver le terrain, comme tu as pu faire Éloi, c'est important de faire une étude de faisabilité de son projet agricole en analysant l'environnement socio-économique de la ferme que vous reprenez, que vous allez créer. Il faut notamment se demander quels produits et services agricoles on veut commercialiser, de quelle manière, à quel prix. Et au-delà de ça, le point crucial, c'est qu'il faut faire un plan de financement. Pourquoi faire un plan de financement ? Eh bien, parce qu'en fait, malheureusement, l'agriculture, c'est un secteur qui demande pas mal d'investissements, comme on le disait en début d'émission. Mais pour ça, on peut compter sur un soutien public à l'installation, parce que l'État, il se rend bien compte qu'il faut enrayer la disparition des agriculteurs. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui postulent à la DGA, c'est la dotation jeunes agriculteurs. Elle permet de toucher entre 10 000 et 51 000 euros, selon la zone d'installation. Par exemple, en 2020, 4 800 à peu près DGA ont été accordés, pour un montant moyen de 32 000 euros. Mais attention, il y a des conditions particulières pour être éligible. Il faut avoir moins de 40 ans, il faut avoir un diplôme agricole, avoir validé son PPP, et aussi avoir un projet d'installation qui est viable, traduit dans un plan d'entreprise qui est établi sur 4 ans. Mais globalement, il faut souvent d'autres apports financiers. pour s'installer. Cela peut être ses propres économies ou par des prêts bancaires. Mais on voit aussi l'émergence de projets d'installation agricole qui sont soutenus par soit du mécénat ou alors du financement participatif qu'on appelle aussi du crowdfunding. Merci Eulalie. Donc comme tu dis, il y a plusieurs manières de financer son projet agricole. Du coup, on se demandait, Éloi, toi, comment t'as financé ton projet ? Bah, moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre parce que bon, j'avais pas beaucoup de sous de côté. J'en avais un petit peu et tout est passé dedans. Mais du coup, après, je me suis dirigé vers les banques. Et donc ça a été assez long. J'ai fait un plan prévisionnel avec un expert comptable qui m'a chiffré mon projet et qui m'a du coup étudié la viabilité de mon projet. Ce qui m'a permis de discuter avec les banques ensuite pour leur proposer mon projet. Les banques m'ont suivi, mais pas complètement. Du coup, j'ai aussi fait appel au crowdfunding pour la partie qui me manquait. Donc voilà, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre et c'est passé. Ok. Et est-ce que tu as reçu les DJA ? Alors pas encore, parce que les DGA, on les reçoit une fois qu'on est installé. Et moi, je serai installé à partir de février, je serai chef d'exploitation qu'à partir de février. Mais j'y compte bien dessus dans mon prévisionnel d'installation. Donc en fait, tu as eu plusieurs sources de financement de plusieurs parties, quoi. Exactement, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, ouais. Comme je dis. J'aimerais rajouter qu'on observe aussi l'émergence des fermes municipales qui sont appelées régies agricoles, où les agriculteurs sont des salariés de la mairie. Et en fait, ils mettent à disposition les terrains dans le but d'approvisionner, par exemple, les restaurations collectives, comme les cantines scolaires notamment. Et oui, comme tu dis Noémie, bon, c'est encore des alternatives minoritaires, ces régies agricoles, mais ça peut être intéressant pour ceux qui ont peur de l'engagement financier. Pour poursuivre sur les étapes de l'installation classique, donc une fois que vous avez défini votre projet et trouvé votre terrain, il faut ensuite créer les statuts de la ferme au niveau fiscal, juridique et social. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe, mais globalement, plus vous êtes au point sur votre projet, plus c'est facile de trouver les statuts adéquats. Et pas de panique, il y a plein d'organismes qui sont compétents et qui vous aideront à faire vos choix. Et finalement, une fois qu'on a choisi ces statuts, il ne reste qu'à demander l'autorisation d'exploiter au préfet du département, faire une déclaration au centre de formalité des entreprises, et alors là, ça y est, vous serez officiellement reconnu comme chef d'une exploitation agricole, comme le sera Éloi en février. On espère. On espère. On l'espère tous. Bon, vu comme ça, le parcours d'installation, ça semble assez long, ça semble complexe, mais notre objectif n'est pas du tout de vous dissuader de devenir agriculteur. Bien au contraire. Alors, Éloi, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, enfin surtout aux personnes qui rêvent de devenir agriculteur, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Bah, tout d'abord, si c'est un rêve, vraiment, je leur dis de s'accrocher à leur rêve, parce que il y a un côté un peu irrationnel, il y a un côté, c'est comme une vocation d'être agriculteur, quand la société ne va pas forcément dans ce sens-là, et du coup, ça a demandé beaucoup d'énergie. Mais justement, quand on s'accroche à un rêve, il y a de l'énergie qui nous vient d'on ne sait pas trop d'où. Et ça, il faut en profiter, il faut foncer, il faut tout donner pour que ça marche. Je crois qu'il faut aussi pas trop avoir peur de l'échec. Moi, j'étais un peu paralysé par l'échec au début. Et en fait, l'échec, c'est pas si grave. L'important, c'est d'essayer de faire tout pour que ça marche. Et on s'aperçoit qu'on met toute l'énergie de son côté pour que ça marche. Et bien finalement, ça se déroule assez bien et ça se fait. Mais pas être paralysé par l'échec. Après, je dirais aussi que toutes ces étapes-là qu'on a décrites, elles paraissent assez difficiles comme ça, mais en fait, c'est des étapes qui permettent vraiment de mûrir son projet. Et donc, pas les négliger et prendre le temps de réfléchir à son projet. Moi, si je prends mon projet au départ et aujourd'hui, bah, il n'a plus rien à voir. Parce qu'en fait, à force de le mûrir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout à l'heure aussi, tu nous disais que c'était très important de discuter. Oui, exactement. Un troisième point important, c'est de se renseigner, discuter avec les gens. En fait, les solutions, elles sont autour de nous. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert avec l'installation. C'est qu'il y a plein de gens qui ont plein de solutions autour de nous, mais ils ne savent pas qu'on a ce problème-là, ils ne savent pas qu'on cherche les solutions. Et du coup, à force de discuter avec les gens, bah, toutes les solutions arrivent et ça se passe très bien. Donc, vous l'entendez, il faut vraiment s'accrocher à son rêve et penser à discuter avec les gens autour pour obtenir des solutions et surtout suivre les étapes qui sont peut-être difficiles mais nécessaires pour mûrir son projet et être agriculteur dans un bon cadre. Donc avant de conclure, on voulait montrer que la tendance au déclin du nombre d'agriculteurs n'est pas inéluctable. D'autres pays développés ont entrepris de créer des emplois en agriculture grâce à la formation, le conseil et l'accompagnement renforcé auprès des jeunes agriculteurs. Ce sont le cas notamment de l'Irlande, de certaines régions du sud de l'Europe comme l'Italie et la Grèce par exemple, et même des États-Unis. Du coup, en Italie, le nombre d'agriculteurs, grâce à tout ça, elle a augmenté de 35% entre 2015 et 2017. Et en Irlande, la population active agricole, elle s'est accrue de plus de 10% depuis 2008, selon Eurostat, l'agence de statistiques européenne. Alors, juste pour préciser, en Italie, ça a augmenté de 35% pour les agriculteurs de moins de 30 ans. Ah, de quoi redonner de l'espoir. Et oui, et du coup, pour rester sur une note d'optimisme, je vous propose un petit tour de table. Je vous propose que chacun dise pourquoi l'installation agricole, c'est important à vos yeux. Du coup, Noémie, je te laisse ouvrir le bal. Du coup, pour moi, il faut vraiment encourager les gens à s'installer parce que si on continue dans cette mauvaise lancée, si on laisse ce déclin d'agriculteurs perpétuer, on va précipiter la chute de l'agriculture française. On a la chance d'avoir un beau territoire français avec de beaux paysages, une grande diversité de cultures et de races d'élevage qu'il faut exploiter. Je trouve ça vraiment super important de garder une certaine autonomie alimentaire pour pouvoir manger des produits français, sains et qualitatifs qu'on recherche tous. Et ça, ce sera rendu possible que si on garde suffisamment d'agriculteurs passionnés sur le territoire. Ok, merci. Et toi, Lali, qu'est-ce que t'en penses ? Ben pour moi, l'alimentation et donc au final l'agriculture, c'est vraiment la base de notre société. Il est vraiment très important d'avoir suffisamment d'agriculteurs sur notre territoire pour éviter de dépendre des autres pays et aussi pour éviter un réchauffement climatique qui sera trop important si on ne produit pas localement. Donc, être agriculteur, c'est vraiment un métier qui est passionnant et qu'il est primordial de conserver. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et moi d'ailleurs, j'aimerais bien devenir agricultrice un jour. Je trouve que c'est vraiment un métier indispensable, passionnant, varié, qui est hyper stimulant, ça touche à tout. Et puis dans mon parcours d'ingénieur, j'ai eu la chance d'avoir rencontré plein d'agriculteurs et d'agricultrices qui étaient super inspirants, qui donnaient envie d'être comme eux. Donc c'est ce qui m'a transmis la passion. Et d'un point de vue global, je suis vraiment convaincue que plus il y aura d'agriculture, plus il y aura de fermes différentes, plus on aura de solutions différentes pour faire face au changement climatique. Donc voilà, c'est vraiment important qu'il y ait plus d'agriculteurs. Et Éloi, je te laisse le mot de la fin de ce tour de table. Bah, l'installation agricole, forcément, pour moi, c'est hyper important. Mais je trouve ça important parce qu'on parle beaucoup de l'agriculture hors sol, donc c'est une agriculture qui n'a plus de lien à la terre. Bah, je trouve qu'en fait, dans la société, pour ne pas avoir une société hors sol, il faut des agriculteurs. C'est eux qui font le lien à la terre. Et si on ne va pas avoir une société que de gens qui travaillent dans des bureaux et qui du coup qui sont plus connectés à cette terre, ben on a besoin des agriculteurs. Et un deuxième point que j'aimerais rajouter, qui est important pour moi, c'est que je crois qu'on ne met pas assez en avant ces métiers-là, qui sont des métiers concrets, des métiers de la réalité. Et je sais que moi, ça m'a permis d'être bien dans mes baskets, de faire ce genre de métier. Et du coup, ben, les remettre en avant, remettre l'installation agricole en avant, ben, ça peut être une solution pour des gens qui cherchent autre chose que des métiers très scolaires. Merci beaucoup Éloi pour ton témoignage et on te souhaite que des bonnes choses pour ta future vie d'agriculteur. Merci beaucoup. C'était Eulalie, Héloïse, Éloi et Noémie sur Agro J'écoute, un podcast sur l'installation agricole. Nous tenions à remercier la radio Campus FM de Toulouse pour nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui sur ce sujet qui nous anime vraiment. On espère avoir été aussi précis que possible. Et nous tenons aussi à remercier les partenaires de ce projet, l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie. Le titre diffusé pendant l'intermède musical était « La montagne » de Jean Ferrat. N'hésitez pas à écouter de nouvelles émissions en podcast sur le site de Campus FM de Toulouse. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et je vous souhaite à tous une très bonne journée.